À l'occasion des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, les personnalités de divers pays ont fait parvenir des messages et lettres pour exalter ses exploits immortels accomplis pour la réalisation de la cause socialiste et de l'œuvre d'émancipation de l'humanité. Le président général et le secrétaire général du conseil directeur central du Parti des pionniers de l'Indonésie, le secrétaire du comité central du Parti communiste bolchevique de toute l'Union, l'ancien vice-président du Sénat de la République fédérale du Nigéria, le chef du cercle suédois d'études des idées du Tutsi et le président de l'association pakistanaise de recherche de la confiance en soins, ont noté que son excellence le président Kim Il-sung est grand penseur et théoricien, homme d'état éminent et père affectueux des peuples qui a créé les idées du Tutsi, établi l'état socialiste puissant et consacré toute sa vie dans l'œuvre d'émancipation du monde. Ils ont souligné que ses exploits accomplis pour le bonheur et le bien-être du peuple et l'œuvre d'émancipation de l'humanité resteront à jamais dans le cœur du peuple coréen et des peuples progressistes du monde.